Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une affaire dont on ne connaît pas encore la fin, mais qui par son impact médiatique, judiciaire et politique, a déjà marqué profondément le quinquennat d'Emmanuel Macron, l'affaire Alexandre Benalla. Devrais-je plutôt dire les affaires Benalla ? Car à côté du nom de l'ex-chargé de mission du président actuel, on peut rattacher plusieurs récits, plusieurs mots-clés. Contre-escarpe, jardin des plantes, Élysée, préfecture, commission parlementaire, mais aussi des mots comme passeport diplomatique, Russie, Tchad, contrat, intermédiaire, perquisition, mise en examen. L'affaire est une affaire à tiroir, double, voire triple fond, on s'y perdrait. S'agit-il d'une affaire d'un été, d'un homme, ou bien d'une affaire d'État, d'un pouvoir ? Comment l'histoire, partie d'une vidéo tournée sur une petite place parisienne, un 1er mai, nous emmène-t-elle désormais à bord de jets, dans des palaces, au Tchad, en Russie, auprès d'intermédiaires et de diplomates privés ? Alors, affaire d'État, vraiment ? Nous le verrons avec notre invité, aujourd'hui le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 1er mai 2018, il est 20h17, Tahav Ouafs, un jeune militant de la France Insoumise, publie sur son compte Twitter ce message. Alerte, violence policière. Des policiers tabassent et gazent, tout le monde place contre-escarpe. Faites tourner, il faut que tout le monde voie. Oui, ce tweet est accompagné d'une vidéo réalisée à l'aide de son téléphone portable. Elle dure 2 minutes et 14 secondes, cette vidéo. Et elle montre la place de la contre-escarpe, 5e arrondissement de Paris, investi par les CRS. Des dizaines de militants s'y étaient donné rendez-vous pour un apéro en fin de manif. Le pique-nique n'a duré que quelques minutes. Sur les images publiées par Tahav Ouafs, on voit les terrasses des cafés vides, le sol jonché de débris ainsi que des CRS repousser les dernières poches de manifestants. Tahav est placé sur le trottoir, en retrait. Il ne sait où fixer son objectif. Des témoins crient, hurlent. Une première femme interpellée passe devant lui. Il la suit du regard, puis braque son téléphone à gauche de la place où un jeune homme au sol est interpellé violemment par les forces de l'ordre. De force, un homme chauve, sans uniforme, traîne l'individu au sol. Qu'a-t-il fait ? Aucune idée. La vidéo n'illustre que la violence du moment. À 1 minute 12 de la bande, un autre homme, casque à visière sur la tête, entre dans le champ. Il attrape violemment l'individu par le cou, puis le frappe à plusieurs reprises, et les CRS laissent faire. Arrête, putain ! Il nous casse parce que... Ils veulent pas d'image, ils veulent pas d'image. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Il l'a tabassé par terre. L'inconnu casqué disparaît. Était-ce un policier en civil ? Pourquoi accompagnait-il les CRS lors de cette opération à la contre-escarpe ? Que sont devenus la jeune femme et le jeune homme interpellé ? Personne ne le sait. Au lendemain de la journée de manifestation, la vidéo du militant de la France Insoumise est partagée, commentée, vue. Mais le buzz reste cloisonné au cercle des militants et aux associations de lutte contre la violence policière. La dispersion de la place de la contre-escarpe n'est qu'un événement parmi d'autres au cours de cette journée sous haute tension. Par exemple, près du pont d'Austerlitz, les échauffourées, tout comme les dégâts, ont été bien plus importants. Les images de ces violences d'une partie des manifestants, notamment celle du saccage d'un McDo, dominent alors l'espace médiatique et politique. Le tweet, comme la vidéo de Tahav Ouafs, disparaissent, eux, dans le flux web jusqu'au 18 juillet. Ce jour-là, à 20h09, Le Monde publie en une sur son site internet un article d'Ariane Chemin qui a pour titre Le Monde identifie, sur une vidéo, un collaborateur de Macron frappant un manifestant le 1er mai à Paris. Son nom, Alexandre Benalla. Sa fonction, chargé de mission à l'Élysée. Aïe. Avant cet article, pour le grand public comme pour une partie de la presse, Alexandre Benalla n'était un parfait inconnu. C'est l'une des règles étranges de notre République qui permet aux chargés de mission de la présidence de ne pas avoir leur nom publié au journal officiel. L'organigramme de l'Élysée est ainsi rempli de fantômes. Mais pourquoi ce chargé de mission était-il présent ce 1er mai, place de la Contrescarpe ? Patrice Trotta, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, explique à la journaliste du Monde qu'il était là en tant qu'observateur. Statut qui, au vu des images, a été largement outrepassé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Élysée, comme la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur, ont été informés des méfaits d'Alexandre Benalla dès le 2 mai. Ce jour-là, à chaque étage, c'est l'orage. Chacun se renvoie la balle. Par chance, le président est à l'étranger. Une sanction est proposée. À distance, Emmanuel Macron valide. Alexandre Benalla est ainsi suspendu 15 jours. À la préfecture de police, par précaution, on fait graver sur CD-ROM des images de caméras surveillance de la place de la Contrescarpe, on ne sait jamais. Le 22 mai 2018, comme prévu, après sa courte suspension, le chargé de mission Benalla retrouve sa place et son rang auprès des hommes du président. Sur les clichés de presse, on le voit au Panthéon, au défilé du 14 juillet, ou bien encore avec les Bleus lors de leur retour victorieux de la Coupe du Monde de football. Bref, tout va bien pour lui. Un an plus tôt, le soir du second tour de la présidentielle, c'est lui qui ouvre dans l'ombre la marche victorieuse d'Emmanuel Macron au Louvre. Et naturellement, il suit le président à l'Élysée. Au château, on lui a réservé un poste sur mesure. Benalla devient chargé de mission, responsable de l'organisation des déplacements nationaux du président et de l'organisation des événements au palais, ainsi que de la coordination des deux services de sécurité de l'Élysée. À 26 ans, il est l'un des deux adjoints du chef de cabinet de la présidence. En juin 2018, après sa suspension forcée, il devient père de famille pour la première fois. Le 21 juillet, il doit se marier. Sauf que, 4 jours plus tôt, Le Monde publie son article. Ce 18 juillet au soir, la préfecture, le ministère, comme l'Élysée, se mettent en alerte. Alexandre Benalla, lui, passe la soirée au Damas Café, à un bar à chicha, situé à 3 pâtés de maison d'Élysée. Selon les fadettes analysées par les enquêteurs, son téléphone n'a pas arrêté de sonner. 33 correspondants différents l'ont joint ce soir-là. Des personnalités médiatiques, telles Arnaud Klarsfeld ou Yacine Bellatar, des grands noms du monde de la sécurité, comme Jean-Michel Fauvergue, Christian Proutot également, tout comme Ismaël Emelien, conseiller spécial du président. Les deux hommes échangent jusqu'à 2h26 du matin. Au Damas Café, Alexandre Benalla ne passe pas la soirée seul. Vous vous souvenez de l'homme au crâne chauve de la vidéo du 1er mai ? Eh bien, il s'agit de Vincent Crase. Gendarme réserviste, salarié du parti du président, c'est le second visage de l'affaire. Comment s'est-il retrouvé aux côtés des forces de l'ordre le 1er mai ? Eh bien, à l'invitation de son copain, chargé de mission, Benalla, qui lui a été invité par Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police. Vous suivez ? Bien. En tout cas, ce 10 juillet, juste après la sortie de l'article du Monde, Benalla et Simonin communiquent. Dans la lutte antiterroriste, on dirait que la cellule se réveille. Élysée, préfecture, Damas Café, ça clignote de partout. L'un des sujets de discussion concerne un CD-ROM qui contient des images de vidéosurveillance des événements de la Contrescarpe, extraites des bases de la préfecture. En fin de soirée, au bar de Chicha, un employé de la préfecture dépose à Alexandre Benalla une copie des images de surveillance. Incroyable mais vrai. Ils ne le savent pas encore, mais ce CD-ROM va causer bien des problèmes à tous ceux qui l'ont mis entre les mains. Le lendemain, le 19 juillet, la machine judiciaire, politique et médiatique s'emballe. Bonjour à tous. À la une ce matin, un conseiller d'Emmanuel Macron impliqué dans des violences lors du 1er mai dernier. L'homme s'occupait de la sécurité du président depuis la campagne présidentielle. Une vidéo le montre frappant un manifestant. Un comportement qui ne lui a valu que 2 semaines de suspension. L'opposition demande à la justice de se saisir. Malaise dans les couloirs de l'Élysée. Le parquet de Paris est le premier à frapper. Suite aux informations publiées par Le Monde, il annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les chefs de violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonctions et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. L'Élysée emboîte le pas. Peu avant 11h, Bruno Roger Petit, le porte-parole de la présidence, déclare. Alexandre Benalla, qui est chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence de la République, a demandé l'autorisation d'observer les opérations de maintien de l'ordre prévues pour le 1er mai. Cette autorisation lui a été donnée, puisqu'il agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé et qu'il ne devait avoir qu'un rôle d'observateur. Il a largement outrepassé cette autorisation. Il a été mis à pied pendant 15 jours, avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave. Chaque mot, chaque intonation est mûrement réfléchi. Les journalistes repèrent les premiers éléments de langage que la majorité dispensera toute la journée dans les médias. L'autorisation de la préfecture, un statut d'observateur, une sanction avec retenue sur salaire et la fin de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Une partie de ces informations seront démenties. Qu'importe. En situation de crise, la communication se limite parfois à l'intoxication. La vérité est celle du moment, celle que l'on répète, celle qu'on martèle, propage par tous les canaux. À ce petit jeu de poker menteur, l'Élysée a son champion, Ismaël Emilien. Ce 19 juillet, à côté de la communication officielle, une riposte officieuse est lancée. À la tête de cette opération, ce conseiller spécial du président. Ce jour-là, peu avant 9h, Emilien retrouve dans son bureau de l'Élysée Alexandre Benalla, qui, lors de cette rencontre, lui transmet le CD-ROM avec les images de vidéosurveillance. En fin de matinée, Ismaël Emilien les transmet à un salarié de La République En Marche, en charge du pôle e-influence, un certain Pierre Le Texier. Que lui demande le conseiller du président ? De publier un tweet et une vidéo qui prouvent que la personne malmenée par Alexandre Benalla était coupable de violence à l'encontre des forces de l'ordre. À 13h59, le compte Twitter @FrenchPolitik, dont le salarié de La République En Marche est l'administrateur, publie ce message. Ok, même si ce n'était pas à Alexandre Benalla de le faire, ne faisons pas passer cet étudiant pour un garçon bien sous tout rapport. C'était un individu violent qui était venu sciemment place de la contrescarpe pour casser du flic. Comme convenu, le tweet est accompagné d'une vidéo avec des images extraites des enregistrements de la préfecture. Est-ce légal ? Évidemment non. Pire, l'une des scènes montées ne se déroule pas à la contrescarpe et n'illustre en aucun cas des méfaits du jeune homme interpellé. Quelques heures plus tard, le tweet comme la vidéo seront supprimés. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, la pression monte. Un an après la victoire, sans partage de la nouvelle majorité, les députés de l'opposition retrouvent du souffle. Un personnage central dans l'équipe de l'Élysée se rend dans une manifestation. Pourquoi ? Est-ce qu'il y vient pour assouvir un besoin sadique personnel dans les C'est maintenant le président de la République. Il faut avoir confiance à M. Benalla. De venir s'exprimer devant les Français et de dire quelle conception il a. Quand on est à l'Élysée, on doit montrer l'exemple. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Élysée, on se croit au-dessus de tout. Le président doit faire la lumière et dans les plus brefs délais. Certains parlementaires somment le chef de l'État de s'exprimer. Tous les membres du gouvernement montent au front, mais les approximations de certains d'entre eux nourrissent la fronde. Une commission d'enquête est demandée, puis acceptée. Et les unes après les autres, les digues sautent. Si demain, quelqu'un de proche du prince peut se mettre un brassard pour aller taper sur des manifestants qui s'opposent au projet de la majorité, on n'est plus en République. À la préfecture de police de Paris s'attendent aussi. Les responsables qui ont permis les événements du 1er mai, comme la diffusion des images de surveillance, sont suspendus. Le lendemain, le 20 juillet, Alexandre Benalla est lâché par le château. À l'aube, l'Élysée annonce en effet à la presse une procédure de licenciement à l'encontre du chargé de mission. Le même jour, Benalla est convoqué à 10h à la police judiciaire. Arrivé en retard, il gare sa voiture de fonction munie d'un équipement de police sur le trottoir. Espère-t-il échapper à la garde à vue ? Sûrement. Son mariage est prévu le lendemain, et pour l'heure, aucune disposition n'a été prise pour l'annuler. À 11h, l'interrogatoire commence. Benalla tente de mener la danse. Il refuse de répondre à certaines questions, mais palabre sans crainte, en revanche, sur les armes stockées chez lui dans un coffre. Comment explique-t-il ses agissements du 1er mai? Le devoir, bien sûr. Le conseiller, bien préparé, évoque les articles 53 et 73 du code de procédure, code pénal qui autorise tout citoyen à interpeller l'auteur d'un crime ou d'un délit. Vers 20h, on emmène le chargé de mission chez lui à Issy-les-Moulineaux pour une perquisition. Problème, Alexandre Benalla n'a pas les clés d'appartement. Sa future femme est absente. Étonnamment, on ne trouve ni serrurier ni bélier pour fracturer la porte. C'est ballot, mais surtout, c'est grave. La perquisition est repoussée au lendemain. La seconde tentative sera la bonne, mais les enquêteurs ne saisissent rien d'intéressant. Pire, le coffre a disparu. En fin de journée, le samedi 21 juillet, la garde à vue se termine. Benalla est libre. Ce soir-là, il aurait dû être marié. Il est finalement mis en examen pour recel de violation du secret professionnel et recel de détournement d'image issu d'un système de vidéoprotection. Vincent Crase, le copain, salarié de La République En Marche, l'est aussi. Le lendemain, l'Élysée fait savoir qu'une réunion de crise s'est tenue avec le président. Emmanuel Macron a tenu à condamner ces faits jugés inacceptables. Voilà. L'incendie est-il maîtrisé? Au château, on l'espère. Mais pourtant, jour après jour, l'émoi ne redescend pas. Lundi 23 juillet, 8h20 sur France Inter, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, tente de calmer les choses. François de Rugy, y a-t-il des barbouzes à l'Élysée ou à La République En Marche? Non, en tout cas, rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est que maintenant, que la tension est un peu retombée, en tout cas il faut qu'elle retombe pour que l'on puisse établir les faits dans la plus grande sérénité. Et ça, c'est le fonctionnement régulier de nos institutions. Et la commission d'enquête parlementaire, c'est aussi le bon fonctionnement de nos institutions. Et cela permettra d'établir la réalité des faits. En connaissance, monsieur le ministre d'État, les fonctions exercées... À l'Assemblée, les auditions de la commission parlementaire se succèdent. Ministres, préfets, membres du cabinet répondent aux questions des députés. Tout est filmé, diffusé en direct et commenté en simultané par les journalistes et les spectateurs sur les réseaux sociaux. Le ton des échanges évolue selon la sensibilité des députés. Les En Marche sont courtois, parfois naïfs et peu curieux. Ceux d'opposition sont rigoureux, pointilleux, corrosifs. Même si le débat semble souvent cadenassé, la journée permet quand même d'éclaircir certains points. Le préfet de police, Michel Delpech, reconnaît par exemple qu'il a satisfait en octobre 2017 la demande de port d'armes d'Alexandre Benalla dans le cadre de ses fonctions liées à la sécurité. Dans l'hémicycle, l'affaire Radagos-Gonplan, tous les autres sujets, notamment la réforme constitutionnelle, désormais suspendue. Le gouvernement connaît sa première vraie crise. Alors, à plusieurs reprises, le Premier ministre, Édouard Philippe, monte au front. Les Français se posent une seule question. Pourquoi M. Benalla est à ce point protégé et privilégié par M. Emmanuel Macron? Je veux vous dire, là encore, les choses très clairement. Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Les copinages malsains qui ont été hier en commission d'enquête évoqués par le préfet de police ne font pas une affaire d'État. Vous voulez la vérité, vous voulez la lumière, l'ensemble des procédures qui ont été engagées nous permettront de connaître précisément l'enchaînement des faits et le cas échéant les responsabilités individuelles. L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal. Les députés ne sont ni procureurs ni juges. Alexandre Benalla. Quelques heures plus tard, ce 24 juillet, après 6 jours de silence, Emmanuel Macron prend la parole. À la télé, lors d'un déplacement, non. Dans les jardins de la Maison de l'Amérique latine, à Paris, à l'occasion d'un rassemblement avec les députés de la majorité. La plupart des ministres l'accompagnent. Aucun journaliste n'a été invité. Mais par coïncidence, ou sur demande, les objectifs des téléphones portables immortalisent le moment et diffusent des bribes du discours sur les réseaux sociaux. Jamais dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, parce que c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. et moi seul. Et les valeurs qui nous ont tués, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention à vous. Qu'ils viennent me chercher, la formule marquera les esprits. Comme c'est la rencontre de la presse qui, selon le président, ne chercherait plus la vérité. Les députés et les ministres présents applaudissent. Emmanuel Macron en est certain, l'affaire va faire pchit. Dans les jours qui suivent, effectivement, la tension redescend. À l'Assemblée, le co-rapporteur de la commission, le député Les Républicains Guillaume Larrivé, claque la porte de la commission d'enquête, devenue, selon lui, une parodie. Le 26 juillet, lors d'un dernier déplacement avant la trêve estivale, le président s'amuse des derniers rebondissements de l'affaire. Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. Mais les enquêteurs poursuivent. Fin juillet, il fouille la voiture de fonction d'Alexandre Benalla. Rappelez-vous, le jour de sa convocation, il avait garé sa voiture sur le trottoir, qui s'est évidemment retrouvé à la fourrière. À l'intérieur, les policiers découvrent trois cartes tricolores d'accès à l'Élysée, dont une est au nom de Benalla, l'autre d'Ismaël Emélien, la dernière au nom de Paul Soler, chargé de mission de l'état-major particulier du président. À l'Élysée, on l'appelle Monsieur Paul. Sa fonction, conseiller le président donc, sur les questions diplomatiques les plus sensibles. Alors, quel est son lien avec Benalla? Ont-ils des amis communs? Des affaires communes? Bientôt, la place de la contrescarpe ne sera qu'un décor parmi d'autres. Il y aura aussi Londres, Marrakech, Djamena qui suivront. T'as vu les infos? C'est pas vrai, c'est dingue, j'y crois pas. J'y crois pas. Arrête. Non, tu déconnes. J'y crois pas. C'est pas possible. Tu rigoles? Putain. Je vois pas qui c'est. C'est pas possible. Tu me l'apprends, mais je suis pas surpris. J'en étais sûr. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est horrible, hein? Attends, y'a encore plus drôle. Comme quoi, y'a pas de fumée sans feu. Les chiens ne font pas des chats. Il manquerait plus qu'ils s'en sortent. Au village, c'est la stupéfaction. J'y crois pas. Ils n'auraient jamais dû revenir. On voudrait juste comprendre. Comprendre. Je t'ai pas reconnu. Maintenant, il doit payer. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. J'en étais sûr. On n'a rien vu venir. J'y crois pas. Tout se joue à l'école. Il faudrait être plus fort. Moi, je me suis toujours méfié. Y'a pas assez de contrôle. C'est tout ce monde dehors. C'est mon choix. J'y crois pas. C'est pas la première fois dans la famille. Tu rigoles. Les camarades quartiers. Les juges bouffent à tous les râteliers. Je suis pas malheureux. T'es comme les autres. Maintenant, il doit payer. Il était comme les autres. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. C'est pas vrai. Tu crois pas. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu. Ah, c'est horrible. Ils l'ont poussé à bout. C'est bien le système français. C'est de naissance, on peut rien y faire. On peut rien faire. Et si avant, mon père est flic. Comme le cousin à ma mère. L'autre avec sa tête de... Après, il y a eu un grand silence. Bonjour, monsieur Benalla. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes sentiment alors que vous avez pris du pouvoir, monsieur Benalla? Messieurs les photographes, il y a une petite chance maintenant que vous ayez au moins une bonne photographie. Et je vous demande donc de bien vouloir vous retirer de la salle de nos auditions. Le 19 septembre 2018, Alexandre Benalla est entendu par la commission parlementaire du Sénat. Il y a bien longtemps que la seconde assemblée du pays n'a pas connu aussi forte affluence. Duplex, direct, débat, tout le monde attend le grand oral de l'homme par qui la Macronie et l'Élysée ont été mises en difficulté durant l'été. Devant les sénateurs, Alexandre Benalla est courtois, poli, malin. Venu seul, sans avocat, il n'écarte presque aucune question des sénateurs. Il revient sur les événements du 1er mai, sur son rôle au sein de l'Élysée, et sur ses droits aussi, dont celui de porter une arme. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République ou pendant la campagne présidentielle, vous êtes exposé vous-même. on passe dans les médias, vous êtes identifié, quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans, il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Je crois savoir qu'un nombre important de personnes ayant travaillé à l'Élysée se sont déjà vues délivrer des autorisations de port d'armes. Je pense par exemple, je vais citer son nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais M. Michel Charras, lorsqu'il était collaborateur de François Mitterrand, il disposait d'une autorisation de port d'armes. Est-ce que M. Michel Charras était le garde du corps de François Mitterrand ? Je ne le crois pas. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites... Dit-il le vrai ? Dans cette affaire, les vérités ont des durées de vie limitées. Quelques jours plus tard, en effet, le 24 septembre, le journal Mediapart publie un selfie du directeur de la sécurité du candidat durant la campagne présidentielle avec une arme, un Glock pour être précis. Grave, l'affaire l'est assez pour que les juges élargissent l'enquête à ce selfie. Mais c'est une autre réponse d'Alexandre Benalla au sénateur qui va bientôt donner une autre dimension à l'affaire. À la question de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio sur le rendu de ses passeports diplomatiques, l'ex-chargée de mission de la présidence avait répondu le 19 septembre 2018 ceci. En quoi vos fonctions justifiaient-elles de bénéficier de deux passeports diplomatiques ? Vraisemblablement, c'est ce que nous avons eu connaissance de cette information. En particulier, pourquoi l'un de ces passeports vous a-t-il été délivré le 24 mai 2018, soit vraisemblablement, effectivement, après la sanction qui vous a été infligée et qui vous retirait toute participation au déplacement du président de la République ? Et je voudrais savoir si, à ce jour, vous avez restitué ces deux passeports diplomatiques. Alors, pour répondre à la première question sur ce que vous appelez les avantages, mais qui sont en fait juste des usages à la présidence de la République, la délivrance de passeports diplomatiques est automatique. La délivrance, de passeports diplomatiques, oui, est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Et donc, ce sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés pour une durée d'un an de mémoire et qui sont renouvelés de manière automatique par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu'ils arrivent à échéance. Et ce qu'ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Sauf que le 24 décembre 2018, alors qu'Ariane Chemin prépare pour son journal la couverture du voyage présidentiel d'Emmanuel Macron au Tchad, la journaliste apprend, via la lettre du continent, que quelques semaines plus tôt, Alexandre Benalla est venu à N'Djamena, accompagné d'une demi-douzaine de personnes en avion privé. L'ancien chargé de mission se dit désormais consultant privé. Mais qui a-t-il rencontré durant ces jours ? Eh bien le président Idriss Déby en personne, ainsi que son frère, Oumar Déby, qui pilote la direction générale de la réserve stratégique tchadienne. Où a-t-il dormi ? À l'hôtel Hilton. La note a été réglée par l'homme d'affaires franco-israélien, spécialiste de la diplomatie privée, Philippe Ababou-Solomon, qui expliquera plus tard avoir rencontré Alexandre Benalla en octobre 2018. Il le dit notamment en juin 2019, en juin dernier donc, aux journalistes Romain Boutilly et Tristan Valex, pour Envoyé spécial sur France 2. Il n'avait pas d'expérience dans l'international. Il n'a pas d'expérience dans les affaires. Donc la seule utilité qu'il pouvait avoir, c'était le lien revendiqué avec l'Élysée. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a l'écoute du président de la République, et il l'avait, l'écoute du président de la République, si ce n'est directement, du moins avec tout l'entourage. C'est-à-dire avec les conseillers du président. Enfin, il a travaillé à l'Élysée, donc c'était ses collègues de travail. Grâce à son nouvel ami et collaborateur Benalla, Ababou Solomon rencontre notamment Paul Soler, vous savez, Monsieur Paul, chargé de mission auprès du président. En novembre 2018, c'est Ludovic Chacker, chef d'état-major particulier du chef de l'État, qui entre en contact avec M. Ababou Solomon. De quoi parle-t-il ? Mystère. Dès le voyage d'Alexandre Benalla au Tchad, connu de tous, quelques jours avant une visite officielle d'Emmanuel Macron, l'Élysée s'empresse de préciser que Benalla n'était en aucun cas un intermédiaire officieux ou officiel. Mais ce n'est pas tout. Le Tchad n'est qu'un pays visité parmi d'autres. Cameroun, Israël, Turquie, Maroc, mais aussi Londres. Alexandre Benalla y passe plusieurs séjours où il profite de l'un des appartements de son ami Philippe Ababou Solomon. Durant ses escapades près de la Tamise, l'ex-chargé de mission de l'Élysée côtoie notamment Germain Djoury, fils d'Alexandre Djoury, intermédiaire sulfureux et médiatique du quinquennat Sarkozy. L'ex-chargé de mission a beaucoup d'amis généreux et attentionnés dans le milieu des affaires. Une autre question fait la une dans cette fin d'année 2018. Avec quel passeport l'ex-chargé de mission se déplace-t-il ? Le 27 décembre, Mediapart révèle qu'Alexandre Benalla voyage toujours avec un passeport diplomatique. Le 28, le Quai d'Orsay saisit la justice. Le 30, Benalla réagit via un entretien au journal du dimanche. Il promet de rendre les passeports et il explique qu'un membre de la présidence les lui avait restitués avec d'autres effets personnels. La séance est ouverte. Mes chers collègues, le 21 janvier 2019, Benalla est de nouveau entendu par les sénateurs. Cette fois, l'homme apparaît moins cordial. Accompagné désormais d'un avocat, il refuse de répondre à cause de sa mise en examen et de l'information judiciaire en cours. Sur un point néanmoins, il accepte de livrer sa vérité. Le contrat russe. En effet, le 17 décembre 2018, Mediapart révèle que le gendarme Vincent Kras, l'ami de Benalla, a reçu un paiement de près de 300 000 euros d'un oligarque russe dont les magistrats suspectent des liens avec la mafia russe. Le paiement date de juin 2018. Le contrat porté sur la protection de proches et de biens. Le sénateur Jean-Pierre Sueur demande alors à Benalla s'il a un lien avec ce contrat. Et sous serment, celui-ci répond non. Quand vous étiez à l'Élysée, pouvez-vous confirmer véritablement que vous n'avez été en lien avec aucune société privée liée à des activités de sécurité, de défense ou d'autres domaines pendant que vous exerciez vos fonctions à l'Élysée ? Monsieur Benalla, pour être très clair, tout le monde sait ici que je suis issu du milieu de la sécurité, la protection des personnes, que j'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises auparavant, et donc que je me suis créé des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes, dans divers domaines d'ailleurs, et pas seulement la sécurité et la protection physique des personnes, et que je continue encore aujourd'hui, parce que les vrais amis restent, malgré ce déchaînement, à entretenir des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes. Mais je répète devant vous, je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Élysée. 10 jours plus tard, Mediapart publie un enregistrement datant du 26 juillet 2018 entre Alexandre Benalla et Vincent Kras. En plus de prouver une violation de contrôle judiciaire, ces enregistrements mettent également en avant un lien entre le contrat russe et Alexandre Benalla. Le 11 février, le journal Mediapart révèle, preuve à l'appui, qu'Alexandre Benalla serait bien l'architecte d'un contrat sécuritaire pour l'oligarque russe, contrat signé alors qu'il était toujours chargé de mission. Alors, qui est vraiment Alexandre Benalla ? Est-il un ancien chargé de mission reconverti dans le monde trouble des intermédiaires de la diplomatie privée ou parallèle, comme vous préférez ? Ou l'était-il avant d'être obligé de quitter l'Élysée ? Désormais, de la manifestation du 1er mai, on ne parle presque plus. Semaine après semaine, ce que le pouvoir présentait comme une tempête dans un verre d'eau en juillet est devenu une affaire dont les retombées sont, disons, imprévisibles. Je suis dans un relais château, cuisse de grenouille sur un plateau. Et les collègues ne cessent de me flatter par texto. Chaud pour que j'explose comme volcan. Vu que c'est moi qui représente au mieux ce foutu col blanc. Et si la vie m'a un peu poussé dans un sens, j'ai toujours fait mon truc et ça les gens le ressentent. Pas le temps d'attendre tous mes potes d'enfance. T'as vu déjà comment c'est dur de chatouiller la France. C'est saturé là-bas et tous mes gars d'ici n'y remettraient pas les pieds avant de voir un chéquier. Chaque jour que le bon Dieu fait, comme un enfoiré, les restaurants Michelin et les grands palaces, la voiture de fonction ou la première classe, l'ordinateur portable, le Blackberry, le forfait pro et même les fournitures de bureau. Je pars à la conquête de nouveaux marchés, les tout derniers produits à présenter à des clients potentiellement intéressés. Et pour les séduire, j'ai mes notes de frais. Les prestataires viennent m'approcher dans l'espoir de récupérer mon dossier. Ça me dérange pas du moment qu'ils me font profiter aussi à leur tour de leurs notes de frais. La femme de tes rêves à la place du mort, le moteur à la place du corps. L'histoire du stagiaire qui a pris la place du boss. Je suis de ceux qui veulent le blé. Vos vies de merde, très peu pour moi. J'ai pas envie de me lever à l'heure de paix. O-I-N-T-E tout le mois, je mets bien tout le monde. Mais mon assistant, mon second spavane comme un jeune premier. Toi et tes frelons, on dormait, je faisais des efforts. Maintenant c'est le réconfort, l'homme de l'année selon Forbes. Vivre sans bifton, c'est comme une enfance sans friandise. RDV avec un client nippon. Et yo, je file en speed, matérialiste assumé. Je brise le silence quand les pneus de la Benz ils en crise. Désordre total quand tu me vois arriver en short au taf, Jojo 4 avec une porno star. Je parle argent vu que c'est de ça qu'il s'agit. T'as fait pour moi, c'est réussir sa vie. Je pars à la conquête de nouveaux marchés. Les tout derniers produits à présenter à des clients potentiellement intéressés. Et pour les séduire, j'ai mes notes de frais. Les prestataires viennent m'approcher dans l'espoir de récupérer mon dossier. Ça me dérange pas du moment qu'ils me font profiter aussi à leur tour de leurs notes de frais. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'affaire Benalla. Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste au service investigation de Mediapart. Alors l'affaire dite Benalla, ou les affaires dites Benalla, pourrait se résumer à une question qui pour l'heure connaît encore des zones d'ombre, une question simple, mais qui selon la réponse change la dimension de l'histoire. Cette question est la suivante. Qui est Alexandre Benalla? Qui est cet homme, enfin? Bah, c'est un peu une météore dans le soi-disant nouveau monde qu'a voulu incarner la présidence Macron, puisque c'est un homme qui très tôt, à la fin de l'adolescence, a eu la passion. Chacun a ses passions, elles sont respectables. Lui, c'est la sécurité privée. Et donc, il a gravi les échelons et les marches de la sécurité privée, étant d'abord le garde du corps de stars du cinéma dans des festivals, notamment à Deauville, puis intégrant le Parti Socialiste, où il va s'occuper de la sécurité physique d'un certain nombre de ténors du Parti Socialiste, y compris, de manière éphémère, mais y compris par exemple du ministre Arnaud Montebourg, de Martine Aubry, voilà. Et en 2016, il va faire partie de la première équipée du commando d'aventuriers qui vont se lancer à corps perdu dans la promesse de la candidature Macron. Et comme on est dans une sorte d'Amazon, de forêt vierge politique, hein, ce qui est en marche, qui surgit de nulle part en quelque sorte, eh ben on peut très facilement se faire sa place. Et c'est comme ça que il y a une sorte, je crois, de coup de foudre hein, réel, amical et professionnel entre celui qui va devenir le président de la République, qui voit en Alexandre Benalla tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement populaire, qui n'a pas côtoyer les hautes sphères de l'inspection des finances, des cabinets ministériels, des banques d'affaires, et qui pourtant est là et veut être sous les ordres de la République. Et de l'autre côté, Alexandre Benalla voit Emmanuel Macron, quelqu'un en qui il a confiance, qui va disrupter, comme on dit dans ce métalangage actuel, la politique française, au prix d'une proximité qui va devenir, comme vous l'avez très bien raconté, problématique. Donc ça, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les premiers hussards de Macron. Vous savez, ceux qui sont là quand faut faire tout le boulot, et puis qui sont là quand la personne qui est soutenue arrive au pouvoir. Ah, c'est complètement un hussard de la Macronie. C'est un tout petit groupe, un tout petit premier cercle. Certains ont quitté depuis l'Élysée, d'autres sont toujours là. C'est une petite dizaine de personnes qui est un peu la mini garde prétorienne du président Macron, pas forcément au niveau physique, encore que c'était l'une des tâches d'Alexandre Benalla, mais c'était ce clan de la conquête qui va être mise à rude épreuve au moment de l'exercice du pouvoir. Alors, le second personnage de cette affaire est Vincent Crase. Nous l'avons finalement peu évoqué, on l'a évoqué pour les événements du 1er mai, bien sûr. Qui est-il, lui? Alors, Vincent Crase, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de soldat de fortune, comme il y en a eu beaucoup autour d'Alexandre Benalla, qui est un gendarme, avec une inversion des rôles entre Crase et Benalla assez intéressante, puisque Crase a été à la gendarmerie dans le département de l'Eure, le formateur d'Alexandre Benalla. Et Alexandre Benalla, qui est quelqu'un qui a eu une ambition dévorante, va devenir en quelque sorte celui qui va prendre l'ascendant sur Vincent Crase. Et c'est lui qui va le faire rentrer à l'Élysée, puisque Vincent Crase va piger, si vous me permettez l'expression, d'un point de vue sécuritaire à l'Élysée, tout en étant le responsable de la sûreté et de la sécurité du parti présidentiel, à savoir le parti de la République En Marche, quand Christophe Castaner, l'actuel ministre de l'Intérieur, en était le patron. Et donc les deux hommes sont deux copains, deux intimes, qui vont essayer, au sein de l'Élysée, sous les auspices d'Alexandre Benalla, de créer une sorte de secret service à l'américaine au profit d'Alexandre d'Emmanuel Macron, pardon, qui va poser des grandes tensions internes à l'Élysée, puisque le projet d'Alexandre Benalla, c'est d'éloigner le ministère de l'Intérieur et ses fonctionnaires, notamment le service de protection des hautes personnalités, de faire venir autour du président ce que j'appelle en effet des soldats de fortune. Oui, absolument, et qui posait de grands problèmes sur la sécurité du président, sur comment on éloigne ce qui est pourtant au cœur de l'État, le ministère régalien qui est concerné, et faire venir en fait des anciens réservistes, qui de l'armée, qui de la gendarmerie, qui d'un certain nombre de corps que Alexandre Benalla a pu fréquenter dans le privé. Et cette opération, cette constitution du secret service n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu les révélations du Monde en juillet 2018. C'est une nouvelle version de ce qu'on a connu sous Mitterrand avec Barry, avec Proutot. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en effet, sous Mitterrand, c'était officiellement la cellule antiterroriste. Ouais. En fait, c'était une cellule de barbouze qui ont été condamnés. Hein, mais c'était les Vincennes avec les fausses preuves. Ouais. Mais c'est aussi les écoutes de François Mitterrand. Il y a même un petit lien indirect avec Mediapart, puisque le journaliste le plus écouté par la cellule de Mitterrand était Louis Plenel, qui est aujourd'hui le patron et fondateur de Mediapart. En fait, on ne sait pas ce qu'aurait été cette cellule, puisqu'elle n'a pas vu le jour, à cause ou grâce, selon le point de vue où on se place, des révélations d'Ariane Chemin dans Le Monde. Alors, Kras, puisqu'on en parlait, il est au cœur d'une seconde série de révélations à la fin de l'année 2018, le 17 décembre, donc, vous publiez, Mediapart, un article qui révèle qu'un oligarque proche de Vladimir Poutine a rémunéré la société de Vincent Kras. Quel était l'objet de ce contrat? C'est la saison la plus inquiétante et la plus grave des affaires Benalla. S'il y a scandale d'État, ça serait là, ça tiendrait là. Très certainement. C'est certain que ça n'est pas une affaire d'été. C'est certain que c'est une affaire de l'État et c'est très probablement, de mon point de vue, une affaire d'État. De ce point de vue-là, puisque nous avons quand même deux personnes qui sont au cœur des secrets de la République, qui travaillent à la présidence de la République. Alexandre Benalla est même habilité au secret défense. Vincent Kras est le patron de la sécurité du parti majoritaire, qui, pendant qu'ils sont à l'Élysée ou à La République En Marche, négocie un contrat avec un oligarque russe proche du Kremlin, milliardaire, donc d'une puissance étrangère, mais qui en plus, d'après plusieurs magistrats européens, notamment espagnols et allemands, est suspecté d'être un blanchisseur du pire groupe criminel de la mafia de Moscou. De nommer Iskander Mahmoudov. Voilà, c'est lui, Iskander Mahmoudov, qui est un peu l'image d'épinal de certains oligarques russes qui ont fait fortune. Lui, c'est un patrimoine de 6 milliards. Voilà, sur des vagues de privatisation après la chute du mur. Alors lui, c'était la métallurgie, les matières premières, le cuivre raffiné, donc c'était le gaz, etc. Et c'est aujourd'hui, comme d'ailleurs l'un de ses représentants en France, l'homme d'affaires Jean-Louis Hagenauer, qui connaît très bien Alexandre Benalla, le présente comme un soldat de Poutine. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est deux amis qui partent en vacances ensemble, mais évidemment, l'oligarque doit toute sa fortune au Kremlin. Alors, dans le même temps, on apprend qu'Alexandre Benalla voyage beaucoup depuis son départ de l'Élysée grâce à ses passeports diplomatiques, et parmi les destinations, il y a le Tchad, pays où Emmanuel Macron est en voyage officiel en décembre 2018. D'abord, quels étaient les objets de ces voyages? Dits d'affaires, diplomatiques, c'est quoi? C'est la diplomatie parallèle? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de diplomatie affairiste, c'est-à-dire que quand Alexandre Benalla quitte, parce qu'il y a les révélations de la presse, l'Élysée, puisque, comme vous l'avez très bien raconté, l'Élysée était au courant dès le 1er mai de ce qui s'était passé et n'a pas sanctionné, en réalité, Alexandre Benalla. C'est pas vrai, l'histoire de la sanction. Le 2 mai, pour être précis, oui, c'est pareil. Le 2 mai, mais enfin, c'est même dans la soirée du 1er mai. Enfin, bon, peu importe. Alexandre Benalla, quand il quitte physiquement la présidence de la République, il devient, si on me permet l'expression, une proie formidable pour un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, Philippe Ababou-Solomon, qui est l'un des hommes d'affaires franco-israélien très lié au continent africain, le raconte bien sur France 2. Il disait, évidemment, on avait quelqu'un qui était au cœur du pouvoir français, la sixième puissance mondiale, et quand on fait de la diplomatie d'affaires, qu'on va voir des chefs d'État étrangers, c'est bien d'avoir une carte comme ça dans sa manche. Donc, plein de gens de la France-Afrique, comme l'homme d'affaires Vincent Miclet, comme monsieur Ababou Solomon, se sont rapprochés de lui, et en effet, il y a eu une espèce de tournée france-africaine, comme ça, il est allé au Congo, il est allé au Cameroun, jusqu'à rencontrer au Tchad le président, enfin l'autocrate même, le dictateur tchadien Idriss Déby, le tout avec son passeport diplomatique, donc les atours les atours de ce qu'était diplomatie, de ce qu'était sa fonction avant. Ouais. Et donc au Tchad, nous, nos sources nous disent, oui, nous, on pensait que on continuait à parler à un interlocuteur du président de la République, même si on savait qu'il n'était plus à la présidence, mais que c'était quelqu'un qui avait toujours le lien avec Emmanuel Macron. Bien, on va écouter maintenant un document que vous avez publié le 31 janvier sur votre site Mediapart. C'est un échange alors entre Vincent Kras et Alexandre Benalla, ces deux hommes dont nous parlons depuis 10 minutes, daté selon votre article du 26 juillet. Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte, ouais. Sur Marc, ils cherchent tout de toute façon. Donc faut changer de portage, faut faire ce qu'on avait prévu de faire il y a 3 semaines, faut faire changer le nom, faut que tu disparaisses de la boîte. Donc faut qu'on trouve un mec. Comment ça se passe pour chez La République En Marche pour toi? Là, je suis viré le 31. Le 31 juillet? Ok, bon, c'est bon, après, tranquille, chômage. Ben si j'avais droit au chômage. Mais bien sûr que t'avais droit au chômage. Ah ben si c'est une faute grave, oui, si c'est une faute lourde, non. Si t'as le droit, dans tous les cas, pour faute, licenciement pour faute, t'as le droit au chômage, dans tous les cas. Moi je devrais servir dessus. Après je vais vivre de quoi? Ben après là tu vas prendre le chômage, tu vas t'étais à 2007, donc tu vas toucher 1800 euros net à peu près. Pendant un an et demi, et avant qu'on fasse ça, on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder. On va aller au Maroc et au Sénégal, on va s'éclater. Non mais, on va y arriver. La publication de cet enregistrement vaudra, soit dit au passage, à Mediapart sa première perquisition, hein, et Alexandre Benalla et Vincent Kras, leur première nuit en prison. Alors, racontez-nous ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils se disent, ces deux-là. On a entendu ce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un élément capital, c'est une preuve matérielle que Alexandre Benalla a voulu faire passer pour fausse, pour un montage. Bon, la police a fait litière de tout ce qu'il a pu raconter, qui comporte plusieurs informations majeures de mon point de vue. La première, c'est que d'abord, les deux hommes que leur mise en examen leur interdit de se rencontrer, se rencontrent secrètement à Paris le 26 juillet. D'ailleurs, c'est un peu comme dans le film Inception, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent en regardant à la télé les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. D'ailleurs, ils commentent dans l'enregistrement leur propre affaire, en direct. Deuxième élément, on voit la proximité et à quel point Benalla est toujours protégé par l'Élysée à ce moment-là, et comment même Ismaël Emelien, alors que Benalla n'est plus à l'Élysée, organise sa communication et ce qui sera la contre-attaque face aux révélations de la presse. Ensuite, troisième information, les deux hommes discutent de faire disparaître des preuves dans les affaires qui les concernent. Il est même question d'aller nuitamment, plus ou moins déguisé, au siège de La République En Marche pour aller subtiliser des documents pour que les policiers ne les découvrent pas, etc. Et dernière information, la quatrième la plus importante, c'est qu'on a la preuve définitive que, contrairement à ce qu'il a dit, y compris devant la représentation nationale au Sénat, Alexandre Benalla, on vient de l'entendre, est impliqué personnellement dans la négociation des contrats avec l'oligarque russe monsieur Marmoudov. Ce qu'il dit, il faut qu'on change le montage, on va sortir l'argent de la société, c'est pas tu, c'est pas je, c'est on, c'est tous les deux, c'est une opération commune. Et de fait, après, quelques semaines après l'enregistrement, il y a un nouveau montage financier du contrat russe. Il y a une nouvelle société qui se fait jour. Là où il y avait la société Mars, soit dit en passant, Mars était l'un des pseudos d'Alexandre Benalla sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'était une société dont l'ayant droit économique unique était Vincent Kras, qui avait touché 300 000 euros alors que M. Benalla était encore à l'Élysée et Kras à La République En Marche. Il y a une nouvelle société qui se fait jour. Elle s'appelle France Close Protection, FCP, dont l'actionnaire est en fait le demi-frère d'Alexandre Benalla, dont les comptes sont dans la même banque en ligne, qui est une banque qui s'appelle Revolut, où Alexandre Benalla a aussi ses comptes et qui va toucher, là encore, beaucoup d'argent lié au contrat avec l'oligarque russe. Donc, on a là un élément matériel crucial qui montre l'implication personnelle, comme nous l'avons écrit, d'Alexandre Benalla dans ce montage. Et alors, quand on découvrira plusieurs semaines plus tard qu'il y a un contrat avec un deuxième oligarque russe qui s'appelle Armedov, ça commence à faire des centaines et des centaines de milliers d'euros qui sont stipulés dans les contrats et pour partie versés parfois en France, parfois au Maroc, parfois ailleurs. Il y a quelque chose d'étonnant dans cet enregistrement qu'on vient de diffuser. À la fin de l'enregistrement, ils n'ont pas l'air stressés. Puis alors, c'est on va faire ça, on va s'éclater au Maroc. Enfin, ouais. En fait, il y en a un qui est stressé. Il y en a un, Kras, ça le fait pas rire du tout ce qui se passe. En revanche, il y en a un qui a une jouissance de ce qui se passe, c'est Alexandre Benalla. Il y a cette phrase incroyable dans l'enregistrement où il dit « Mais quand même, qui à 27 ans a pu provoquer deux commissions d'enquête parlementaire ?» Il est fier de ce qui se passe. Et même il dit que sa mère est fière de ce qui se passe aussi. On a l'impression qu'il y a une excitation, une adrénaline par rapport à tout ça. En revanche, il y a une inquiétude. C'est vrai que la contre-escarpe, ça n'a pas l'air de lui faire beaucoup peur, Alexandre Benalla. En revanche, il y a une inquiétude. C'est qu'à la faveur de l'enquête sur la contre-escarpe, la police et les magistrats puissent découvrir des éléments sur le contrat russe. Parce que c'est autrement plus gênant. Mmh. Non pas que les événements de la contre-escarpe soient pas graves. C'est grave. Je veux dire, c'est un fait divers. Mais c'est ce qui ouvre la porte au reste. Voilà, un conseiller du président déguisé en policier qui tape des opposants au président. On s'intéresse à lui. Il n'y a pas de doute. C'est grave. Donc on s'intéresse mais à lui. Mais il y a la dimension. On ouvre des tiroirs. Et exactement. On trouve. Exactement. C'est comme les, sans mauvais jeu de mots, les poupées russes. Oui, c'est ça. Alors, dans le récit, nous avons mis en avant également le profil de monsieur Bonamou parmi les amis d'Alexandre Benalla, qui accepte de parler à la presse. Il y a aussi Vincent Miclé, vous en avez parlé également. On va l'écouter, c'est un nouvel extrait du reportage L'Envoyé spécial de juin 2019, réalisé par les journalistes Romain Boutillier et Tristan Valex. Écoutez, c'est quelqu'un qui a le sens de la répartie, il est brillant, il est amusant, il a la joie de vivre, il est, comment dirais-je, audacieux, volontaire, avec un cœur toujours, comme moi. Je pense que j'ai reconnu un petit peu dans ce jeune garçon un petit peu ce que j'étais quand j'avais son âge. Quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça serait intéressant que ce garçon soit mon ami? Je ne vais pas dire que c'est intéressant parce que moi je ne travaille qu'en Afrique. Donc pour moi personnellement, la politique en France ne m'intéresse pas énormément. Est-ce que grâce à Monsieur Benalla, vous avez été reçu à l'Élysée? Non, je n'ai jamais été reçu à l'Élysée personnellement. Alexandre avait ses bureaux, donc effectivement, on pouvait... Je suis allé peut-être une fois, je pense, mais c'est tout. Dans un cadre purement informel et d'amitié, voilà. Vous n'avez jamais eu un rendez-vous avec quelqu'un de l'Élysée en dehors de... Jamais. J'ai Ça, c'est... si on vous l'a dit, c'est de la pure fabulation. Bon, c'est vrai? Bah c'est génial, moi je trouve que là on est quand même dans un triple salto arrière à ne pas reproduire chez soi, c'est-à-dire qu'il n'est jamais à l'Élysée, mais en fait si, il y est déjà allé, il n'a pas eu de rendez-vous, mais en fait si, il y était avec Alexandre Benalla qui était quand même adjoint au chef de cabinet du président de la République, donc lui-même avoue ce qu'il dément, donc c'est pas inintéressant. Mais Vincent Miclé a des relations financières avec Alexandre Benalla, nous l'avons révélé en septembre 2018. Vincent Miclé a versé 50 000 euros depuis une société qu'il a à Miami à Alexandre Benalla, et on n'a jamais pu savoir ce que recouvrait ce versement, qui est pas, c'est pas peu d'argent, 50 000 euros qui sont versés sur un compte d'Alexandre Benalla, de Vincent Miclé. Donc il y a des relations d'argent, c'est pas simplement parce qu'il est rigolo et qu'il lui rappelle sa jeunesse. Il y a des relations financières qu'ils ont tenté l'un et l'autre de cacher. Et ce monsieur Miclé est propriétaire, je crois, d'un château en Dordogne, et en août 2018, Alexandre Benalla y était, avec notamment un certain Jean-Louis Hagenauer. Qu'est-il celui-là? Voilà, alors là c'est la rencontre de plein de saisons de Netflix de la série Benalla, c'est qu'il y a ce grand raout à la fin de l'été 2018 dans un magnifique château où défilent les limousines, les gardes du corps et les vitres teintées. Et en effet, on a même retrouvé une photo d'Alexandre Benalla jouant au baby-foot avec Jean-Louis Hagenauer, qui est le représentant de l'oligarque Iskander Marmoudov en France, qui est un homme qu'on a surnommé dans le journal l'homme de Moscou, qui est un homme d'affaires français, qui a vécu pendant quasiment 40 ans à Moscou, et nous avons révélé que cet homme, et là je trouve que c'est intéressant, est très lié au service de renseignement russe, à ce point qu'il est associé avec un ancien colonel des services secrets russes du FSB dans une société, qui est un homme qui est toujours en réserve des services de renseignement, et qu'il a été pendant plusieurs années très proche de l'ancien numéro 2 du FSB, qui est le successeur du KGB, comme chacun le sait. Et cet homme, Jean-Louis Hagenauer, a très tôt misé sur Macron et sur Benalla. Ils se connaissaient avant l'élection présidentielle, puisque Jean-Louis Hagenauer a même milité en septembre 2016 pour la candidature d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un avant, un après la contre-escarpe, c'est que l'histoire d'Alexandre Benalla, c'est une histoire qui a grandi déjà à l'Élysée. Et Emmanuel Macron disait ça frappe shit, ben on verra si ça fait une affaire d'État. Hein, cette émission le prouve. Oui, on verra. Merci infiniment. Merci Fabrice Affi. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui de l'affaire Benalla, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.